Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nassim Mella. Salam Nassim, comment tu vas? Bah salam, j'espère que tu vas bien et toi Sofiane? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Même si c'était dur de se capter, on l'a fait. On y est arrivé. Mais tu vois, c'est comme le stand-up, tu vois. C'est, même si ça ne marche pas du premier coup, il faut continuer, il faut réessayer. C'est la persévérance qui va nous aider, tu vois. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est le fait de ne pas reculer quand on a des galères et tout. Et justement, c'est le but de ce podcast, raconter les galères devant lesquelles on n'a pas reculé, tu vois. Oh là, déjà, ça, c'est une galère de raconter ces galères. Tu sais que j'en ai plein des humoristes qui m'ont dit des trucs du style « Ah, quand tu m'as posé la question de « Est-ce que je voulais raconter des anecdotes ou quoi ?» j'ai dû me plonger dans mes souvenirs, il y a plein de trucs que j'avais oubliés, tu me les as fait revivre et tout, tu sais. Ouais, bah c'est vrai que il y a des après tout dépend de plus ou moins quand tu as commencé ta carrière, mais c'est vrai que tu as tendance à plus facilement te souvenir des galères d'il y a un an, deux ans, plutôt qu'il y a celles de 5 ans, par exemple. Mm-hmm. Même si celles d'il y a longtemps sont les plus intéressantes et les plus croustillantes, je pense. C'est clair, mais on dirait que le cerveau en fait se met en mode un peu survie, tu vois, donc il oublie un peu, il efface histoire de faire de la place et d'éviter les traumas trop douloureux, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'après on peut vivre des petits traumatismes, hein, sur scène, mine de rien. Les gens pensent que tout est beau, tout est rose, mais il y a des moments qui peuvent être durs, hein. Très dur, ouais, c'est clair. Toi, ça fait combien de temps que t'en fais de l'humour? Bah écoute, ça fait 6 ans maintenant et je bite toujours. Non, je rigole. Non, ça va, ça se passe bien. Mais ça fait 6 ans que j'en fais, ouais. Et ouais, il y a eu quelques galères quand même. Sur scène et en dehors de la scène, de toute façon, mais c'est toujours en lien avec le stand-up, de toute façon. Donc, Bah, bien sûr, il y a les galères sur scène. Tu peux bider. Tu as les galères après. Tu as les galères avant scène, c'est-à-dire des problèmes d'éclairage, de je sais pas quoi, de régie, de quelqu'un qui n'est pas venu te chercher à la gare. Tu as les galères d'après parce que le mec il veut pas payer. Tu as les galères d'appartement, genre que tu as loué et qu'il y a un souci dedans, j'en sais rien. Tu as les galères de transport. Vraiment, toutes les galères sont possibles. Tu peux galérer de A à Z quand tu pars pour jouer un spectacle ou jouer sur un plateau. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. C'est tout ce qui entoure le stand-up, que ce soit sur le chemin pour y aller, à la sortie, pendant. Puis avoir des galères aussi, ça dépend, mais tu vois, il suffit que certaines personnes n'apprécient pas ta vanne et te le disent, ou que ça puisse partir un peu en cacahuète après, pas forcément en venir aux mains, mais des fois ça peut être des débats houleux. Mais c'est ce qui est intéressant aussi quand on te fait un retour sur tes vannes et tout. Moi j'appelle ça des galères, hein. De toute façon, le mot galère, c'est un truc un peu fourre-tout, tu peux mettre plein de choses. Plein d'anecdotes. Ah ben c'est ça. Ben c'est pour ça que c'est un podcast vraiment où il y a eu de tout comme anecdote. Et encore aujourd'hui, il y en a qui arrivent à me surprendre, mais c'est vrai que la plupart du temps, ça tourne autour du bide ou des galères de régie, tout ça, quoi. Ouais. Ben souvent, le plus souvent, ouais, c'est vrai. Le plus souvent, c'est ça. C'est le bide, c'est les réactions du public. Ça peut être, peut-être plein de choses comme ça. Après, l'essentiel, c'est que tout revienne à la normale, on va dire. Bah oui, après, il faut juste s'en relever et ne pas s'arrêter sur ces échecs-là, parce que ce sont des échecs. Mais il faut juste avoir genre la force de remonter sur scène et de se battre contre ce genre d'imprévus, en fait. Et en fait, on ne pourra pas se battre pour les éviter, mais on peut se battre pour mieux les encaisser, tu vois. C'est clair. Et toi, du coup, quand on te parle de tes anecdotes, tout ça, quelle est la première qui pop dans ton esprit? Vas-y. La première, alors c'est une belle galère, on va dire. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps de ça. C'était, je pense, il y a peut-être 2 ans. J'étais invité sur un festival qui s'appelle Les Lions du Rire. C'était un beau festival, d'ailleurs. Hein. Je salue. Oui, bien sûr. C'est Farid Nasri. Farid Nasri, on le salue, c'est un amour. Ouais, donc j'étais invité à y jouer en tant que, entre guillemets, guest. Et puis aussi parce que je suis lyonnais, donc il y avait cet aspect un peu le gars Lyon qui revient jouer à la Bourse du Travail. Et tout. Donc c'était cool, tu vois, le délire était très bon. Moi, j'étais très enthousiaste, etc. Et en fait, moi qui pensais que ça allait être l'une des mes plus belles scènes, parce que revenir dans ma ville, jouer devant 2000 personnes pour un festival lyonnais à Lyon, à la Bourse du Travail, qui est une salle quand même mythique. Très enthousiaste, donc j'y vais, etc. Tout se passe bien quand j'y vais, donc pas de galère sur le chemin. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un festival où il y a beaucoup d'humoristes, il y a une compétition pendant le festival, etc. Et puis, il y avait un premier invité qui était Jamel Kaibou. Et puis moi, il avait prévu de me faire passer à la fin. Et en fait, le truc, c'est que ça a été un peu long parce que bah, les humoristes, bon, je pense qu'au lieu de faire le temps qui leur était imparti de 6-7 minutes, je crois qu'ils faisaient tous un peu plus, etc. Mais c'était à la bonne franquette, donc voilà, le public était enthousiaste, tout se passait bien, etc. Le problème, c'est que c'est un festival qui a duré, ça a duré un peu beaucoup, jusqu'à ce que je m'endorme dans les loges, en fait. Je m'endors dans les loges, on me réveille peut-être 10 minutes avant que je passe sur scène pour me dire ça va être à toi. Donc moi, je me réveille, j'essuie la bave que j'ai sur le côté, je vais me laver le visage, enfin, j'étais pas bien, tu vois. Et donc pendant le laps de temps qui me restait, ça veut dire 5-6 minutes, j'essaie de me... Voilà, travailler un peu mon texte, comme ça, j'étais en loge, etc. Et il vient le moment où je dois monter sur scène. Et je me rappelle parce que Farid, il m'avait dit « Ouais, je vais te faire passer à la fin parce que t'es le Lyonnais, t'es l'enfant star du pays, etc. » Et moi, je lui disais, j'ai un peu de mal avec le fait de passer à la fin parce que bon, tu sais, à la fin, j'ai peur que les gens soient fatigués. Et puis, tu sais, ça fait un peu resta. Moi, je viens pas comme une resta, etc. Si tu veux me caler un peu avant, il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneur, etc. « Non, non, t'inquiète, je te fais passer à la fin et tout. » Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en passant à la fin, après 2h30 de festival, parce qu'il y a eu une pause aussi entre... Il y a eu une petite pause aussi où à un moment buvette, où les gens pouvaient aller se restaurer, fumer une clope, etc. Donc après 2h30... Ils étaient HS, quoi. Ils étaient déjà premièrement HS, deuxièmement j'étais HS, troisièmement j'avais pas l'énergie qu'il fallait. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que comme... c'est pas comme à Paris, tu vois, à Lyon, les transports en commun s'arrêtent bien avant minuit, tu vois. Mm-hmm. Je crois que c'est 23h15, 23h30, le dernier métro, tout ça. Et donc, en fait, pendant que je jouais, au fur et à mesure que je jouais, je voyais des gens se lever et sortir de la salle, en fait, petit à petit, tu vois. Donc, je voyais un petit groupe devant se lever, partir. Je voyais un petit groupe au milieu partir. Je voyais des gens sur le balcon se lever, etc. C'est waouh, tu dis, je suis en train de vivre, au lieu de vivre un très beau rêve en tant que Lyonnais, je suis en train de vivre un cauchemar, en fait. Et ce qui se passe, c'est que je vois la salle se vider au fur et à mesure parce que, justement, les gens allaient prendre leur métro, sortaient vite prendre le dernier métro. Oui, à la fin, j'ai fini mon sketch devant une moitié de salle. Mais pour te dire à quel point c'était important pour eux de prendre le dernier métro, parce qu'il y avait même des délibérations à la fin avec un prix du jury, mais aussi un prix du public. Donc le public avait quand même son mot à dire là-dessus, sur les trophées à la fin qui auraient été remis. Et en fait, ils se levaient, ils en avaient rien à foutre, parce que, et puis c'est compréhensible, hein, tu sais, il y en a, ils se déplacent en transport, etc. Et donc, pire pire moment de ma vie par rapport à la symbolique, parce que c'était dans ma ville, c'était dans une très belle salle. Et au fur et à mesure que je faisais mon sketch, les gens se levaient et partaient. Donc après, j'ai eu des retours quand même où les gens m'ont dit « Ouais, c'était drôle, etc. » Mais moi, je ne l'ai pas vécu pareil, tu vois. Quand tu es sur scène et que tu vois soit des gens se lever, soit des gens pas prêter attention à ce que tu dis, ça va peut-être paraître égoïste, mais tu as envie que les gens t'entendent, tu as envie que les gens prêtent attention à ce que tu fais. Et là, quand tu arrives à les prendre avec toi au niveau théâtral, quand tu les fais rire, etc., les gens restent. Ouais, mais non, quand tu as le métro A direction Vaux-la-Soie qui part, les gens ils montent dedans et puis ils partent, tu vois. Donc, à Boëte, qui tu peux, les gens ils ont envie de rentrer. Je comprends. Tu sais quoi, ouais, tu disais que c'était un petit peu égoïste, mais non, c'est normal parce que quand tu montes sur scène, tu as envie, en fait, monter sur scène, c'est une façon de dire aux gens, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, tu veux que les gens t'écoutent, c'est normal, tu vois. Et le pire, c'est que, tu sais quoi, j'ai vécu exactement, mais quand je te dis exactement, c'est exactement la même chose que toi. La différence est au même festival. Hein. tu vois. Mais en fait, ce qui est un peu déstabilisant, c'est que, alors je sais pas pour ta part comment ça s'est passé, mais moi, quand je monte sur scène, j'ai pas cette notion du temps de me dire, voilà, le festival a duré plus de 2h30, les derniers métros sont là, etc. Moi, quand je monte sur scène, je monte sur scène. On me dit, vas-y, c'est à toi, je suis ma bave, je suis en backstage, je répète mes deux trucs, boum, la musique, elle part, c'est à moi, tu vois. Donc, je pars du principe que je vais juste monter sur scène, faire rire. Donc, quand tu es sur scène et que tu vois les gens se lever, tu dis, je suis en train de dire des conneries, ça leur plaît pas, le choix du sketch est mauvais, et tu te remets en question pendant que tu joues, en fait. C'est des fractions de secondes, mais tu te parles à toi-même, tu vois. Et je me rappelle même avoir switché, parce qu'au niveau du texte, j'avais commencé par un premier texte et puis j'ai switché, je suis passé à un autre texte que je fais d'habitude un peu plus sûr en me disant peut-être que c'est le texte que je suis en train de faire, donc vas-y, switch, etc. Et puis j'ai switché même en faisant le texte sûr derrière. Et c'est bien parce que c'est arrivé à un moment de ma carrière où justement, je ne vais pas dire tu penses que tout est acquis, mais voilà, tu roules un peu ta bosse. Moi, je jouais souvent sur Paris, ça se passait bien, etc. Et tu arrives à Lyon, et comme quoi, même quand tu arrives en terrain conquis, comme on dit en Auvergne, le mektoub fait que ça ne se passe pas forcément comme tu l'as prévu. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui vont parier à ta vanne ou autre, c'est juste des gens qui veulent prendre leur métro. Et sur ce coup-là, ça m'a mis une petite décharge électrique, et puis ça a permis de me remettre quand même en question malgré tout. Après, j'ai compris que c'était, comme on dit, ce n'est pas forcément de ta faute, etc. Machin, ouais, le métro, etc. Mais ça m'a permis de me remettre en question et aussi. De me dire, la prochaine fois, tu t'endors pas, la prochaine fois, tu négocies mieux et tu te dis, ben non, je passe dans les premiers, etc., etc., etc., etc. Donc ça, quoi qu'il arrive, t'en tires une leçon. Donc comme je te dis, même si je pars du principe que dans cette histoire, bah bon, j'étais pas en tort, etc., mais tu tires quand même une leçon de tout ça, tu vois, donc c'est très bien. Oui, mais de toute façon, la remise en question, même si là, en l'occurrence, c'était plutôt un problème de transport, la remise en question, elle fait jamais de mal, donc c'est très bien. Et puis, c'est mature de ta part de tirer des leçons de ce genre d'échec, parce que de toute façon, il faut tirer des leçons de nos échecs. Et là, en l'occurrence, tu as essayé quand même, je veux dire, tu n'as pas été égoïste. Moi, je trouve que tu n'as pas été égoïste dans le sens où tu t'es dit, je vais adapter mon texte un petit peu. Si ça, ça ne passe pas, je vais tenter de faire un truc un peu plus sûr. Tu as fait un effort là-dessus et je veux dire, tu as joué le jeu. Tu as su après coup que c'était à cause des transports. Et voilà, mais je comprends totalement ce que tu as ressenti. Et moi, c'était un petit peu différent. Enfin, si tu veux, j'ai vécu la même chose techniquement que toi, mais c'était un petit peu différent la mise en place. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas lyonnais. Moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base, mais j'habite à Bordeaux. Et du coup, je suis venu depuis Bordeaux. Et Farid a eu la gentillesse, et vraiment, je le remercierai jamais assez, de m'accepter. Alors qu'à ce moment-là, il prend toute la France. Mais à l'époque, il prenait que les Lyonnais. Et il m'avait dit, normalement, je prends que des Lyonnais et tout. Mais il m'avait dit, je t'ai trouvé tellement motivé que, allez, je t'accepte aussi. Mmh, ouais. Donc vraiment adorable, tu vois. Et ouais. je lui ai dit, ok. Franchement, bah, je te remercie. Je dis, mais vraiment, mets-moi aux mêmes conditions que les autres. Te prends pas la tête avec le transport ou l'hébergement ou quoi, c'est mon problème. J'assume le fait de ne pas être lyonnais, donc c'est à moi de prendre en charge tout ça. Et il me dit, ok, pas de souci. J'arrive là-bas et il me fait, du coup, je t'ai pris une chambre à l'Ibis Budget. Et je fais, wow, mskin, tu vois, il est gentil comme tout. Je dis, wow, franchement, c'est un amour et tout. Tu vois. Je dis, ok, d'accord. Et donc, j'arrive là-bas et à la base, on était 18 à passer. Je pense que c'est de là le petit bémol, c'est parce qu'il est tellement généreux, ce mec-là. Tellement généreux comme Skin, il veut faire jouer tout le monde. Tu vois, il peut pas dire non aux gens, il arrive pas à dire non. Skin, ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oh ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, moi j'avais de la chance. À la base, j'étais sixième. Et à ce moment-là, il m'appelle. Je viens d'arriver à Lyon, je suis à côté de. Alors, j'étais à côté de Lapardieu. Ouais. Et il m'appelle comme ça et il me fait ouais, Sofiane, écoute, est-ce que ça te dérange pas finalement j'ai un petit problème, il y a Elodie Arnoux qui va venir du théâtre en fait, et elle doit passer 16e sur 18. Il me dit, en gros, elle va arriver et tu sais ce que c'est, quand tu arrives d'un spectacle, tu es encore chaud, si jamais on laisse refroidir, après elle pourra jamais, enfin elle va galérer quoi, pour remonter le truc, donc vraiment, est-ce que ça te dérange pas de lui laisser ta place? Et en temps normal, tu vois, j'aurais dit, franchement, je te cache pas, ça m'embête un peu, tu vois, parce que je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend, tu vois, même sans parler de métro ou quoi, je sais que les gens, ils sont beaucoup moins chauds à partir du 15e passage, tu vois, même du 10e des fois. Ouais, et, ouais. Mais tu vois, je me suis rappelé, je me suis dit, premièrement, le mec, il t'a accepté alors qu'à la base, il prenait que des Lyonnais. Et deuxièmement, il t'a pris une chambre d'hôtel alors que tu lui avais dit de ne pas faire le moindre frais. J'ai dit, tu sais quoi, j'accepte, il n'y a pas de souci. Donc, Elodie, ça m'a permis d'ailleurs de faire la connaissance d'Elodie, je ne la connaissais que de nom. Et c'est un amour aussi, d'ailleurs, elle était dans le podcast également. Et franchement, c'est une des meilleures rencontres que j'ai faites dans le monde artistique, tu vois. Et elle était super reconnaissante et tout. Ah, oh, merci Sofiane, merci, tu me sauves, machin. Je dis, t'inquiète pas. Et en effet, j'étais dans le public quand elle est passée, tu vois. J'en ai profité. Moi, j'ai maté le spectacle au début. Tant qu'à faire, tu passes 16e, autant mater le spectacle. Donc, ouais. Je me suis posé à la Bourse du Travail. Pareil, 2000 personnes et tout. J'ai réussi à trouver un petit coin. Elle venait d'arriver et le timing était parfait parce qu'elle est montée, genre, on va dire, 5-10 minutes après son arrivée. Elle était encore chaude du spectacle. Elle est montée, elle a tout déchiré. Et j'avoue que quand j'ai vu son énergie sur scène, tu vois, c'est une pile électrique, tu la connais bien, tu as joué pas mal avec elle. Tu vois, je me suis dit, si jamais on l'avait laissé refroidir jusqu'à la 16e place, elle n'aurait pas pu remonter comme ça. Ouais, non, c'était pas possible. Donc, franchement, je ne regrettais pas du tout. En plus, c'était quelqu'un de sympa. Si j'étais tombé sur quelqu'un de vraiment mauvais, j'aurais dit, mauvais dans le sens humain, j'aurais dit, franchement, je regrette de lui avoir laissé ma place. Mais là, pas du tout. Franchement, c'était un amour et il n'y a pas de souci. Et de toute façon, je l'avais fait pour Farid à la base, mais ça m'a confirmé que c'était le bon choix. Et donc, la soirée continue. Et je vois au début, la salle, elle était pleine, hein, 2000 personnes. Hein, et je vois que petit à petit, les gens s'en vont. Genre, à partir du. Ah, je sais pas, peut-être du 12e passage ou du 13e passage, ça commence à partir. Mais à partir vraiment groupe par groupe, hein, tu vois. Et au final, je monte 16e sur 18. Je monte et là, il y avait, franchement, j'ai même pris une photo tellement c'était incroyable. Il y avait genre des trous partout. C'était une salle Covid avant le Covid. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, je te promets, vraiment, il y avait des trous partout. Et encore, même avec le Covid, je crois que tu peux mettre plus de monde. Les gens étaient partis. Et quand j'ai dit, mais pourquoi? Ils sont si fatigués que ça? Et on m'a répondu, non, il y a le dernier métro. Donc, j'ai vécu exactement la même chose que toi. Dieu merci. Ceux qui sont restés, ils étaient quand même réactifs. Ils étaient un peu fatigués, mais ils étaient réactifs. Donc, ça s'est quand même bien passé et j'ai passé un super moment. Mais j'étais vraiment frustré de ne pas avoir pu jouer devant la salle complète et tout. C'était. Voilà. Ça va, au moins t'as eu le réflexe de pas dormir pour attendre. Ouais, toi, c'est vrai que ta sieste, elle t'a pas permis de prendre la mesure de ce qui s'était passé. Toi, t'as pas senti le temps passer, l'heure qui tournait et tout. Et puis, erreur, comme on dit, faute professionnelle entre guillemets, dans le sens où j'aurais peut-être pas dû me dire, vas-y, j'ai du temps, je vais dormir un peu. C'est le combientième, ouais, c'est le troisième qui passe, ouais, tranquille, je vais me reposer, etc. Bon, la logique voudrait que, voilà, si tu restes pro, tu restes réveillé jusqu'à la fin et puis tu dors après. Mais voilà, tu sais, si tu veux, c'est comme ça. Et puis, c'est ce qui fait aussi la bonne réputation des festivals de Farid, c'est que c'est généreux en termes de timing, de temps, d'humoriste, tout ça. Donc, Farid, ton festival, étale-le sur 4 jours, frère, d'accord? Comme ça, Comme ça, tout le monde a le temps de passer. Et voilà. Non, mais en tout cas, c'est un beau festival. Et puis d'ailleurs, l'anecdote, bah, tiens, pour l'anecdote, ça paraît prétentieux un peu, mais pas du tout. C'était au détour d'un échange. Mais les Lions du Rire, c'est moi qui lui ai donné le nom de son festival. Ah ben c'est stylé, c'est stylé. Ouais, je trouvais ça sympa parce qu'il avait fait une discussion groupée à l'époque sur Facebook et puis il demandait aux Lyonnais bah, qu'est-ce que vous pensez du nom du festival? Est-ce que vous pouvez donner des idées? J'aimerais bien que ce soit un nom quand même qui soit proche de vous, entre guillemets. Si c'est trouvé par vous, c'est encore mieux, etc. Machin et tout. Et moi, j'avais donné les Lions du Rire, ouais, parce que bah, Lion l'animal aussi, il pouvait même jouer, je vais expliquer que. Même jouer visuellement avec le lion, l'animal, etc., et la ville, etc. Et bah, c'est cool, ça fait plaisir qu'il ait gardé ce nom. Donc, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice. Mais en tout Non, mais cas, c'est. c'est sympa. Et puis, c'est bien qu'il développe ce truc-là à Lyon, tu vois. Ça manquait un peu. Ah bah, clairement, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour Lyon et pour toute la région. Tu vois, là, Ouais. en ce moment, là, on est en train d'enregistrer, on est au mois de mai, on est fin mai, là, et il est à fond sur les maraudes pour aider les étudiants et tout, les personnes qui n'ont pas grand-chose. Donc, il s'associe avec des associations comme Union et Charité et tout. Et franchement, ça fait plaisir de voir que c'est quelqu'un de généreux, vraiment, sur tous les plans, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et je tenais juste à préciser, voilà, par rapport au festival, bien sûr, lui, dans son organisation, à la base, même s'il a programmé 18 personnes, il leur a dit, s'il vous plaît, faites genre 8 minutes chacun maximum ou 7 minutes ou un truc comme ça, tu vois. Et le problème, c'est comme tu l'as dit, les gens qui respectaient pas ça et qui faisaient je sais pas moi, ils faisaient Ouais. 13-14 minutes chacun. Donc c'est trop vraiment. Bien sûr, après ça peut s'expliquer, tu sais, il y a l'euphorie, il y a le fait de jouer dans cette salle, tu vois, il y a un côté aussi où les gens peut-être se rendent pas compte, tu vois, ils disent ouais, j'ai 8 minutes et tout, et puis tu sais, ça peut aller très vite, hein. Il suffit que toi t'aies calibré ton passage pour 7-8 minutes et que dans ta tête t'aies pas prévu le fait qu'il va y avoir peut-être de l'interaction avec des gens, qu'il va y avoir un petit moment de chauffe, etc. Et puis ça peut aller vite, tu arrives sur scène, les gens ils sont bouillants, tu les fais danser, tu laisses durer un peu l'intro, la musique, etc. Etc., etc., tu coupes l'instru. Il suffit que quelqu'un réagisse dans la salle un moment à ton sketch, boum, bah, tu dois sucrer 30 secondes de ton passage. Parce que si tu fais de l'interaction avec lui ou elle et que ça se passe bien, bah, tu vas essayer de faire durer un peu le truc, etc. Donc, après, c'est aussi être pro que de savoir calibrer un passage, hein, ça c'est sûr. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'après, bah, moi le premier, attention, hein, ceux qui écoutent le podcast et qui m'ont déjà programmé et tout, ils savent très bien que j'ai un peu de mal avec ça. Mais par contre, non, c'est-à-dire, tu vas pas me demander de faire 8 et je vais faire 18, tu vois. Mais genre, tu vas me demander de faire 8, je vais sûrement faire 10, 11, tu vois. Voilà, je vais essayer de calibrer au mieux, mais des fois, j'ai un peu de mal. Mais par contre, je pense que dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire, je l'avais vu dans un festival déjà, c'est de mettre une montre, genre une espèce de chronomètre que tu vois au loin. Que les gens ne voient pas, toi tu le vois et tu vois où t'en es. Parce que moi, honnêtement, des fois, je ne sais pas à combien j'en suis dans le passage. Non, Et mais de plus en plus, oui, ça c'est assez courant, en tout cas ici sur Paris. Bon, c'est pas en termes de festival, mais sur les plateaux, les choses comme ça, quand tu joues, on te met un coup de flash, on te met un coup de téléphone, on t'alerte, etc. Ou des fois, il y a des salles où tu as des pendules, tu vois le minutage, etc. Après, bon, on va investir, on va offrir à Farid une horloge, une grande horloge. Franchement, il le mériterait. Il le mériterait parce que c'est vraiment un amour et c'est quelqu'un qui veut porter haut tu vois, les couleurs de la culture lyonnaise. Et ça fait du bien de voir quelqu'un qui pense à vraiment mettre en valeur les choses qui se passent autour de lui plutôt que d'aller miser que sur Paris ou tu vois ce que je veux dire. Enfin, quand c'est quelqu'un comme ça, je ne parle pas d'un artiste, hein, mais je parle d'un organisateur de spectacle, ouais. Quelqu'un qui ne va pas sauter que sur des artistes parisiens. Moi, je trouve qu'il y a quand même un certain respect, c'est une bonne chose. Lui, bien sûr, il va prendre des gens de Paris et tout, c'est très bien, il va prendre des gens de toute la France, mais il va toujours mettre en avant d'abord la culture de chez lui, à Lyon et sa région. Moi, je connais une association, Carré Rouge, qui s'occupe de faire aussi ce genre, de développer un peu ce genre de scène, justement, à l'échelle de la ville, et ils le font très très bien aussi, Carré Rouge. D'ailleurs, je passe un grand salam à Laz, l'organisateur qui remue ciel et terre vraiment pour faire des belles choses déjà au niveau associatif, tu vois, parce qu'il a mis en place des scènes sur Lyon où des humoristes lyonnais jouent et où justement les bénéfices sont versés à des associations, des choses comme ça. Et lui aussi, par exemple, là, bah, avec Carré Rouge, il essaye de développer les choses au niveau de la ville, en prenant des humoristes de la ville, en faisant un festival lyonnais, etc. Donc ouais, ça commence à bien se développer et puis c'est bien, tant mieux, parce que... Ça manquait d'événements comme ça, tu vois. Donc, très bien, c'est très bien. Et puis Lyon, c'est une grande ville, hein, tu sais. Quand tu connais ta ville et tu sais ce dont les Lyonnais sont capables et que tu vois qu'il n'y a pas encore d'événements, des choses comme ça qui se sont mis en place. Moi, de là où je suis, de Paris, parce que je n'ai pas forcément le temps de préparer des choses comme ça, de mettre en place des choses comme ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir que des gens le fassent et franchement, ouais, je leur tire mon chapeau. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool que les choses se développent. C'est bien. Et puis, je vois que ça se développe de partout. De toute façon, l'humour, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, au sein de ta ville aussi, par exemple, avec des gars comme Nordine, par exemple, Nordine Gonzo, qui organise aussi des scènes un peu sur Bordeaux, des choses comme ça, toi aussi. Tu vois, c'est ouais, cool. Le stand-up est en train de rentrer, j'ai l'impression que le stand-up est en train de rentrer petit à petit dans tous les recoins de France, quoi, dans toutes les villes. Tu vois, ouais. Lyon, ça commence à bien se développer aussi. Tu vois, c'est la ville du café-théâtre, mais il y a aussi pas mal d'événements stand-up qui se mettent en place maintenant. Il y a des coins comme Nantes carrément. Il y a une scène par jour dans Nantes, quoi. Tu vois, il y a une scène stand-up par jour. Paris, bon, ça a toujours été le cas. Marseille, ça se développe pas mal aussi. Toulouse, tu vois, il y a la Toulouse Comedy Night et tout. Nous, à Bordeaux, on a monté le Gavé Style. Nordine, justement, était venu jouer chez nous ses premières et tout. Il a rodé ses passages chez nous. Il revient de temps en temps quand il a un passage à préparer. Il revient le rodé chez nous aussi. On a des belles scènes et tout. Ça commence à se développer un petit peu partout. Dans l'Est aussi, il y en a pas mal. Moi, j'ai des amis sur Strasbourg, sur Metz. C'est tout, vraiment, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Le stand-up, en fait, n'est plus aussi étranger qu'il était quand il est arrivé avec le Jamel Comedy Club et tout, même si, bien sûr, le stand-up n'est pas arrivé avec le Jamel Comedy Club, mais il a été popularisé par le Jamel Comedy Club. Bien sûr, bien sûr. Mais après, tu sais, c'est comme pour tout, on a tendance à dire, et puis c'est vrai dans le fond, hein, moi je le constate en étant ici, mais on dit toujours, les États-Unis ont 5 ans d'avance sur Paris, Paris a 5 ans d'avance sur la province. Ça arrive un peu après, tu vois, mais ça arrive. L'essentiel, c'est parce que tu sais, quand je te dis ça arrive, c'est à dire que par exemple, au niveau du stand-up, nous à Lyon, il y a eu l'une des personnes qui a été vraiment le pionnier dans ça, c'est le monsieur Sidali Ben Osman, tu vois, avec un petit café-théâtre qui s'appelle Le Grain de Star, et que je salue aussi, Sidali, qui est le papa de Bouchra Beno, si tu veux. Et, c'est un amour, vraiment, et il est dans la même veine que toi. Ouais, non, vraiment, franchement, c'est quelqu'un au top. Et puis, du coup, tu vois, il a amené ce truc-là du stand-up un peu, parce que son lieu s'y prêtait aussi, etc. Mais quand je te dis, après, tu vois, il y a des villes comme Nantes ou Bordeaux où ça a été amené assez facilement. À Lyon, sans taper sur personne, mais tu sais, Lyon, c'est une ville très conservatrice. Et comme tu as dit, c'est là où est né le café-théâtre. Donc, essayer d'amener le stand-up dans une ville qui a inventé le café-théâtre, qui est assez conservatrice au niveau de ses valeurs, au niveau de peut-être d'un style théâtral qui est propre à cette ville. Du coup, ouais, c'est un peu plus. Franchement, Lyon, au niveau du stand-up, on n'a pas eu de retard parce qu'on a amené ça très vite. Tu sais, enfin, mais le problème, c'est que bah, pour populariser le truc, ça met du temps. Et puis pour essayer d'inviter les Lyonnais à y venir, parce qu'il y en a, ils vont préférer le café théâtre, il y en a, ils vont préférer aller là-bas, dans tel lieu. Et puis ils découvrent le Grain de Star, et puis ils rentrent, et puis ils voient que c'est à la bonne franquette, ça charrie, c'est stand-up, etc. Donc le temps que les Lyonnais assimilent ça, tu vois, ça a mis un tout petit peu de temps, là où ça aurait pas dû, parce que Lyon, c'est une ville où ça peut aller vite aussi. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, tu vois, c'est que avant que j'arrive à Paris, il y a plus de 6 ans, on jouait avec les Lyonnais, avec Bouchra et compagnie, et c'était déjà stand-up le truc, tu vois. C'était déjà du stand-up. Voilà, après, c'est chaque ville a sa culture, chaque ville a sa manière de développer les choses. Et voilà, l'essentiel, c'est que tôt ou tard, ça arrive. Parce que le stand-up, c'est un style d'humour, c'est un style théâtral qui est bien particulier, et je pense qu'il est aussi très urbain aussi, tu vois. Et c'est adapté, c'est aussi pour montrer aux gens, parce que nous, au Grain de Star, il y avait des gens, ils venaient nous voir, et tu sais, des gens de quartier, des fois, qui nous disaient, ouais, c'est bien, comment vous le faites, et tout, moi j'aime bien ça, et tout, moi je suis pas trop théâtre, t'as vu, tu vois le délire. Tu sais, les gens de la street, des fois, ils te parlent, ils disent, ah, t'as vu le délire, je suis pas trop théâtre, mais là, ça m'a bien plu, tu vois, parce que ça ressemble. Alors oui, ils connaissent Gad Elmaleh, ils connaissent les perruques. Ils connaissent le fait que, tu vois, il y a un noir entre deux sketchs, etc. Ils connaissaient cette fameuse formule de sketch, cette manière, Jamel Debbouze, etc. Mais le stand-up à proprement parler, tu sais, le délire comme ça, oui, il y en a, ils l'ont découvert, ils ont dit, ah, c'est bien, ça nous correspond, etc. Donc, c'est bien que ça s'ouvre à tout le monde. Franchement, si on peut faire un campagnard comedy club, tu vois, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, vraiment. Ah, mais totalement, bien sûr. Il y a des endroits comme ça où on ne penserait pas du tout qu'il y ait du stand-up. Et puis il y en a. Hein. Moi, j'ai découvert des trucs des fois. J'ai joué un peu partout en France et c'est vrai que j'ai découvert des coins. Vraiment, bah, ils ont accroché un peu au concept du stand-up. Des fois, ils n'en avaient pas du tout entendu parler. Tu sais, en fait, en 2019, j'ai fait une date par département avec mon spectacle. Donc, j'ai fait les départements de 1 à 95. J'ai fait toute la France, tu vois, sauf la Corse. Et je suis passé dans des endroits où ils ne connaissaient pas du tout le stand-up, mais ils l'ont accueilli à bras ouverts, hein, franchement. Et il y a des endroits où je suis allé et j'ai été étonné parce que les gens, ils avaient quand même une certaine culture stand-up, alors que je pensais qu'ils n'en avaient jamais vu. Mais j'ai l'impression que c'est grâce à ce qui commence à se développer maintenant. Tu vois, des gens qui voient, par exemple, je sais pas moi, des gens qui voient Blanche Gardin, des gens qui voient Haroun, et ils n'ont pas l'impression que c'est du Dans stand-up. les Tu vois? réseaux, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Voilà. des mots. Et voilà, ils n'ont pas l'impression que c'est du stand-up. Et quand tu leur dis, bah, c'en est, ils disent, ah bah ok, en fait, le stand-up, c'est bien. Il y a plein de gens, en fait, qui pensent que le stand-up, ce n'est que des clichés, du communautaire et tout. Et alors que pas du tout. Le stand-up, c'est juste parler à un public sans quatrième mur. C'est tout, il n'y a que ça. Tu vois, donc c'est bien que ça se libère et tout. Et j'ai ressenti un peu la même chose que ce que tu disais avec les jeunes qui venaient vous voir à Villeurbanne, donc aux Graines de Star. J'ai ressenti la même chose, moi, quand j'ai découvert le Jamel Comedy Club en 2006. Je me suis dit, mais ça me parle, tu vois. Tu sais, ça me faisait rire avant de regarder des sketchs et tout, machin. Tu vois, je regardais les sketchs à personnages avec Pierre Palmade, Muriel Robin, tout ça. Ça me parlait, enfin, ça me faisait rire, mais ça me parlait pas, tu vois. J'étais spectateur, mais je me voyais pas acteur. Et quand j'ai découvert Jamel Comedy Club, je dis, mais ça, je me verrais totalement le faire, tu vois. Je dis pas que je pensais que je saurais le faire et que je serais bon là-dedans ou quoi. Non, non, ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais je me disais, je veux bien essayer, tiens, ça m'a l'air d'être, c'est un peu ce que je fais avec mes potes. C'est un concept qui nous parle et voilà. Et moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué. Tu as regardé le premier spectacle filmé de Jamel qui s'appelait Jamel en scène, tu l'as vu? Oui. Voilà. Moi, je me rappelle d'un truc parce que c'est le premier spectacle que j'ai dévoré en long, en large et en travers, tu vois. Et ce spectacle-là, je me rappelle d'un truc qui m'avait marqué. J'en avais parlé avec un copain. À l'époque, on n'avait pas le mot stand-up encore, tu vois. Mais si tu te souviens bien, pendant toute la première partie, tu sais, il parle, il fait du stand-up. Il parle aux gens, il fait, tu sais, le Lidl, machin, les magasins ED, tu vois, la Mutella et toutes ces, voilà, les grands classiques. Et quand tu écoutes ça, moi, tu sais, enfin, j'étais mort de rire. Et deux fois pendant ce passage-là, deux fois, il fait aux gens, vous inquiétez pas, je vais vous faire des sketchs. Hein. Et tu sais, il était là, genre, ouais, il y a des gens qui doivent se dire, ils sont où les sketchs? Ils sont où les sketchs? Tu vois? Et moi, j'étais avec mon pote. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre en fait qu'ils disent ça, parce que moi, au contraire, je trouve que ce qu'il est en train de dire là, c'est plus drôle que les sketchs qu'il y a après. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, c'était ça du stand-up. C'était ce qu'il disait depuis le début, quand il nous parlait de Lidl, de Mutella et tout. Et après, les sketchs, quand il jouait le personnage, donc il faisait la lettre au Père Noël et tout, machin, tu vois. Là, je trouvais que c'était Ouais, c'était bien, mais c'était moins intéressant. Moi, il me parlait beaucoup plus quand il était en mode stand-up. Et je l'ai su que plus tard que ça s'appelait comme ça. Mais je préférais largement cette forme d'expression directe, en fait. Toi, du coup, c'est par le biais du Jamel Comedy Club aussi que tu avais envie de monter sur scène? Moi, Gad Elmaleh, c'est Gad Elmaleh qui m'a donné envie. Après, moi, j'ai toujours été très, très friand d'humour. C'est-à-dire que même jeune, je comme tu m'as cité Pierre Palmade, j'ai regardé du Pierre Palmade. Moi, à 14 piges, je regardais 15 piges, 16 piges, Muriel Robin, Roland Magdan. Et tu sais, j'allais fouiner un petit peu, tu vois. Raymond DeVos aussi, je ne comprenais pas tout. Enfin, je n'avais pas le flow. Raymond DeVos, j'ai découvert ça à l'adolescence. Non pas que j'étais un âne à l'adolescence, mais tu vois, Raymond DeVos, ça va vite. Ah oui. Et tu vois, il y a de la prose, il t'enchaîne, tu vois, verbalement. Il y a plein d'humoristes que j'ai découvert dans ma jeunesse. Franck Dubosc, voilà, les petites annonces d'Eli, Elise Moon, etc. Et du coup, je suis arrivé après à regarder Gad Elmaleh. Et j'ai pas découvert Gad Elmaleh avec Décalage, qui était son premier spectacle. J'ai découvert Gad Elmaleh avec L'autre, c'est moi. Ah d'accord, non, moi je croyais que tu allais dire, parce que moi je l'ai pas découvert grâce à Décalage, moi je l'ai découvert grâce à La Vie Normale. Et La Vie Normale, pardon, c'est le... La Vie Normale, pardon. Oui, La Vie Normale. Ah d'accord, ok, voilà. La Vie Normale, moi, je l'ai découvert avec celui-là. Ouais, c'est ça, La Vie Normale. Je l'ai eu quasiment en même temps que Jamel, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ce sont les deux spectacles que j'ai dévorés. Donc le premier c'était Jamel et le deuxième c'était Gad, ouais. Gad, c'est vraiment celui qui m'a... En fait, j'ai commencé par La Vie Normale. Et je me suis dit, waouh, ouais, c'est fort ce qu'il fait, tu vois. Mais j'avais cette interrogation de me dire, il fait un truc, j'ai l'impression, ça ressemble pas trop aux autres. Enfin, je sais pas, ou peut-être que je le trouvais juste plus fort, ou je sais pas, hein, je pourrais pas dire. Et après, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait Décalage, son premier spectacle. Et je regarde Décalage et je me prends aussi une claque. Et après, j'enchaîne avec L'autre, c'est moi. Il est multifacette. Tu regardes L'autre, c'est moi. Après, tu regardes Décalage, en fait, il incarne des personnages, mais il est tout aussi drôle. Dans L'autre, c'est moi, c'est stand-up. C'est waouh, tu te prends une claque. Moi, dans ma jeunesse, je me suis pris une claque. J'ai dit, ouais, j'aimerais bien. Et en fait, je ne sais pas si ça fait cet effet-là aux gens qui veulent commencer l'humour à tout le monde. Mais tu sais, tu as tendance à transposer la situation où tu te mets à sa place sur scène et tu essaies de ressentir ce qu'il ressent. Et tu dis, waouh, en vrai, c'est trop ça que je veux faire, tu vois. Et c'est un truc un peu chelou, je sais pas si c'est de l'empathie ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu sais, moi j'avais tendance, quand je regardais le Gad Elmaleh, à transposer le truc, à mettre à sa place et me dire, mais il est en train de prendre un pied de ouf, tu vois. Peut-être du mimétisme ou je sais pas. Peut-être, hein, peut-être. Après, peut-être aussi parce que culturellement, Gad Elmaleh, voilà, marocain, etc. Il y avait des choses, comme tu dis, qui te parlent, qui te parlent, tu vois, à l'intérieur de toi-même, la manière avec laquelle il faisait certains accents, etc. Tu dis, waouh, enfin, tu dis, c'est possible. Et non, Gad, au début, il m'a vraiment donné envie. Et puis après, bon, ben, la vie a avancé et a fait que je ne me suis pas mis à l'humour tout de suite. Et puis après, en continuant de découvrir hein, des humoristes, avec l'avenue du Jamel Comedy Club, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Voilà, parce que Jamel Comedy Club, y en a qui sont passés. Hein. Tu as cité Blanche Gardin, Thomas Gijol, Fabrice Eboué, enfin toute la première saison, la saison 1, 2, 3, là, des tueurs. Ensuite, il y a eu la saison d'après. Donc, je découvrais ça. Voilà. Et, pour moi, vraiment, les trois premières saisons, c'est mythique. Quoi. Ouais. Bah, en fait, on va dire ce qui m'a donné envie de faire de l'humour, c'est de regarder Gad Elmaleh. Ce qui a confirmé que je voulais faire ça, c'est le Jamel Comedy Club. D'accord, ok. Jamel, il a bouclé la boucle avec le. Parce que là, tu découvrais pas Jamel ou des humoristes connus, tu découvrais des gars comme toi en fait. C'est-à-dire que, je vais pas dire tu t'identifiais, mais presque. Tu sais, quand tu voyais le comte de Bouderbala, quand tu voyais Thomas Gijol, quand tu voyais tous ces gens-là, ça avait aucune notoriété à ce moment-là. Voilà, c'est ça, qui n'étaient pas des restas et qui retournaient la salle. Et tu disais, ah, tu vois, là, ils sont en train de me confirmer que peut-être je peux essayer. C'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste dire je vais essayer. Tu vois, après, tu ne votes pas, tu veux continuer ou pas. Non, mais... Tu vois, je pense qu'on avait tous un peu le même sentiment. Moi, c'est le sentiment que j'avais quand je regardais de l'humour quand j'étais petit. Mais tu sais, on a l'impression que c'était un milieu dans lequel tu pouvais pas accéder, quoi. Tu vois, t'avais l'impression que c'était très très fermé quelque part. C'est vrai, mais le Jamel Comedy Club nous a montré qu'en fait non, il y avait de la place entre guillemets pour tout le monde. Alors qu'à la base, je pense que dans les années 90, les humoristes hommes et femmes, je pense qu'on en comptait une quinzaine max. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est après, c'est comme, enfin, C'est comme pour beaucoup de choses, tu vois. Moi, en tout cas, moi personnellement, je me suis dit, c'est un milieu peut-être fermé ou difficilement accessible parce que, à mon époque, en tout cas, bon, je te dis ça comme si j'avais 58 ans, mais quand j'étais jeune et que je regardais ces choses-là, j'étais à Lyon, il n'y avait pas de comédie club, le stand-up n'était pas encore développé. Je ne savais pas à quelle porte taper pour faire une scène ou pas. Tu es là, tu es livré à toi-même, tu dis bon, c'est mort. Et puis en plus, tu sais que toi, dans ton inconscient, tu dis bon, ça se passe à Paris, toutes ces choses-là. Donc tu dis c'est mort en vrai, tu vois. Alors que maintenant, tu vois, ça rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Un gamin maintenant, un petit jeune qui regarde des stand-uppers sur Internet et qui aimerait bien commencer, écrire des sketchs, etc. Dans une ville comme Bordeaux, comme Lyon, comme Paris. Comme Paris, comme Marseille, pardon, en dehors de Paris, justement, ils peuvent aller taper à une porte, ils peuvent aller voir, je ne sais pas, des associations qui font ça, des ateliers d'écriture ou des scènes, tu vois, envoyer un message à M. Sofiane Etaï pour jouer sur son plateau, à Marseille ou à d'autres. Parce que maintenant, le stand-up et ces choses-là se sont développées. Mais moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas ça. Et c'est ce qui me... C'est ce qui me laissait croire que c'était inaccessible, tu vois. Et juste de monter sur scène, tu vois, je me disais, ah ouais, machin, enfin... Moi, je vais te dire un truc. C'est quoi, quand j'ai regardé le Jamel Comedy Club, j'ai entendu pour la première fois, et je te jure, les gens, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Et je te jure que c'est la vérité, mon frère. La première fois de ma vie, j'ai entendu le mot MJC. Ouais. Vous, à Lyon, vous en avez des MJC? Bien sûr, ouais. Voilà. Nous, à Clermont-Ferrand, je crois pas dire de bêtises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais entendu le mot MJC. On avait des centres sociaux, des maisons de quartier et tout, mais le mot MJC, je me rappelle, je crois que c'était Fabrice Eboué qui l'avait dit. Il avait dit genre, on remercie Jamel qui a réuni des Noirs, des Arabes, machin. Il a fait une sorte de MJC, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai pas compris ce que c'était MJC. Et on m'a expliqué après, on m'a dit que c'était Maison des Jeunes et de la Culture. Et si j'avais eu une MJC, entre guillemets, dans mon quartier, genre, tu sais, qui faisait des trucs, aujourd'hui, il y en a plein qui font des ateliers stand-up et tout, si ça avait existé, même pas forcément dans une MJC, mais on va dire même dans un centre social ou dans une maison de quartier, si ça avait existé, je m'y serais sûrement, intéressé, on va dire. Mais à l'époque, comme toi, pareil, j'avais pas de perspective. Moi, je me disais, voilà, pareil, c'est des gens qui viennent, tu vois, c'est beaucoup de pistons, tu vois, pour pouvoir accéder, pas pistons pour être sur scène, mais pistons pour avoir des infos sur, tu vois, c'est du copinage, entre guillemets, genre, je vais te faire monter sur ma scène et tout, machin. Moi, je pensais que c'était ça, mais tu sais, c'est le monde, quand t'es pas du tout sur scène, tu imagines plein de choses. Il y a peut-être des gens qui imaginent que toi et moi, aujourd'hui, c'est que du piston, tu vois, c'est nous aussi, on est peut-être qu'avec du piston. Je te rassure, il y a aussi du copinage dans ce milieu, hein, mais après, non, c'est... Non, c'est pas du tout une condition sine qua non, tu vois. Non, exactement. Je veux dire, voilà, moi à l'époque, ce qui a fait que je suis monté sur scène, c'est que j'ai discuté avec un ami comédien qui m'a dit, je ne sais pas comment on en est arrivé à parler de stand-up, et je lui ai dit, franchement, j'ai quelques idées, j'aimerais bien monter sur scène, mais je n'ai pas de quoi, quoi. Je n'ai rien, il n'y a pas d'endroit pour le faire. Et il m'a dit, écoute, dans un mois, j'organise une scène dans une chicha, si t'es chaud, viens. Et il m'a mis un peu au défi, comme ça, tu vois. Quoi de mieux pour commencer qu'une chicha pour un jeune pensé dans l'humour? Quel baptême! Quelle circonstance humoristique. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'était une chicha, mais ça s'est bien passé. Enfin, bien passé. C'était pas un carton, hein, mais ça va. C'était bienveillant, tu vois. On va dire, les gens, ils rigolaient calmement et tout. C'était pas une chicha vraiment street, quoi. Tu vois, c'était une chicha, on va dire. Je sais pas. J'ai dû tomber sur une chicha premium, tu vois. Un truc avec carte de membre et tout, je sais pas. Enfin, bref, en tout cas, c'était ma première et je me dis. J'ai commencé par le plus dur, une chicha, tu vois. Après, c'était pas une chicha hostile, mais voilà quoi. J'ai commencé, c'était par hasard. Et il y en a eu deux en fait. Il y en a eu une au mois de décembre 2011, et le mec a refait la même scène. Du coup, le mois d'après, janvier 2012, et j'ai fait du coup deux scènes. Et après, la scène s'est arrêtée. Et moi, je suis resté genre ça y est les gars, là vous, tu sais, enfin genre j'ai pris mon shot là. Ça y est, je suis accro là, je peux plus m'arrêter quoi. Et il n'y avait plus rien. Et heureusement, après, j'ai pris contact avec des gens et tout pour essayer de jouer, tu vois. J'ai contacté notamment Samia Orozman qui venait jouer son spectacle. Et donc, elle est venue à Bordeaux. Et j'ai découvert grâce à elle qu'il y avait un café-théâtre à côté de Bordeaux. Bon, maintenant, il a fermé. Mais à l'époque, ça m'a permis d'aller là-bas faire mes premières scènes. Je faisais des premières parties. J'ai rencontré tous mes potes avec qui on a monté aujourd'hui le Gavestyle, tu vois. Et voilà, je veux dire, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai joué mon spectacle après. Et en fait, c'est grâce à elle parce qu'elle m'a dit, bah, tu viendras faire ma première partie. Elle m'a donné le nom du lieu. Et en attendant d'arriver à sa première partie à elle, je me suis dit, il faut absolument que je monte sur scène, que je reprenne un peu d'entraînement, quoi. Et je suis monté le maximum en première partie de tous les spectacles qu'il y avait. Ça m'a permis de faire des belles rencontres et tout. Et puis après, ben, j'ai fait sa première partie à elle. Après, il y avait mon spectacle à moi. Et ainsi de suite. Après, j'ai trouvé d'autres lieux. On a monté le Gavestyle. Et puis aujourd'hui, ça y est, ça fait partie de ma vie. C'est, enfin, je peux pas m'en séparer, quoi. C'est terminé. Ouais. Ouais, ouais. Non, non. Mais puis justement, s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast, profitez-en. Profitez-en parce que maintenant, ça se développe bien et vous n'avez pas d'excuses, les gars. Donc voilà. Mais ouais. Il y a des structures aussi, comme tu l'as dit, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais il y a des structures qui maintenant développe les choses là-dedans. Moi, je voulais juste saluer une structure aussi qui m'a aidé, qui s'appelle Vos Premières Planches, et Sheya, qui était sa présidente. Bah, eux, tu vois, pareil, c'était un peu pas des visionnaires, mais ouais, ils avaient vu le truc venir. C'était une association qui faisait de base du théâtre d'impro et qui a commencé à se spécialiser, à développer les choses avec des jeunes qui voulaient peut-être écrire et faire du stand-up. Et moi, j'ai commencé entre guillemets là-bas. J'ai quand même eu cette chance d'avoir un endroit où le faire. Après, bien après, parce que là, je t'ai parlé de ma jeunesse à un moment donné où je ne savais pas où aller, où demander. Et puis, ma vie a fait que je n'ai pas fait d'humour. Et puis, j'ai passé bac, etc. Et puis, la vie a avancé. Et puis, j'ai travaillé, etc. Mais un peu plus tard, à mon âge adulte, effectivement, je suis allé à cette association qui développait les choses autour du stand-up et qui avait monté un mini-festival aussi, etc. Et qui... Et donc, je salue leur travail. Donc, je salue aussi le travail de toutes ces associations, tous ces gens qui mettent en place des ateliers d'écriture, des moyens pour les jeunes de s'exprimer, que ce soit autant à travers le chant, le slam, l'humour, etc. Donc, voilà, c'est bien que ça se développe. Et puis je pense que ça permet ouais, aux jeunes de maintenant d'avoir une porte sur laquelle taper et ouvrir cette porte et voilà, essayer de faire les choses si ça leur plaît, tu vois. Peu importe sur quoi ça aboutira, mais... On les salue tous, big dédicace, on dirait Skyrock. Bon, on va faire tourner la Sky Roulette, ouais. Et là, ça tombe sur une scène en chicha, t'as gagné, frérot. Ah, bah c'est tiens, pas bah, si mauvais que ouais. Ça. Hein. Hein, bah, franchement, allez, bah, tu sais quoi, je suis sûr que t'as une anecdote en chicha. Oh là, j'en ai plein, mais j'en ai pas. Moi, franchement... Et te dire, grâce à Dieu, ça s'est tout le temps bien passé. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi à extirper des rires, parce qu'il faut savoir que jouer en chicha, ce n'est pas tout le temps évident. Attention, je ne dis pas que toutes les chichas sont très dures, mais ce n'est pas évident dans le sens où l'atmosphère, elle ne s'y prête pas. Tu as beau mettre un podium, un micro et des baffes, les gens de base viennent dans une chicha. C'est-à-dire, même s'ils savent qu'il y a une soirée humour ce soir-là, et même des fois qu'ils viennent pour ça, eux ils sont dans un délire où ils tirent sur leur chicha, ils sont sur Snap en même temps, ils parlent à la meuf qui est à sa droite, ils parlent à son pote qui est à gauche, pour le peu que son pote il est en train de faire un ballon, t'entends ça pendant que tu passes, bref, c'est un délire, tu vois, mais, et je trouve un très très bon entraînement pour travailler déjà l'interaction avec le public. Oui. Moi mon interaction, j'ai travaillé comme ça. Là maintenant tu mets sur n'importe quel plateau à Paris, s'il faut faire de l'interaction ou rebondir sur quelque chose que quelqu'un a dit dans une salle, je le ferai sans problème et avec aisance, et c'est grâce à la répartie, à cette manière de répondre que te donnent les chichas, tu vois. Si tu te laisses manger dans une chicha, voilà, mais par contre si t'arrives à dompter le truc et à créer des moments d'interaction dans une chicha, tu peux les créer de partout, sache-le. Moi j'ai déjà vu un humoriste se manger des glaçons, moi. Des gens sur une mezzanine, sur un balcon d'une chicha, en train de jeter des glaçons à un humoriste, en train de lui dire vas-y, sors, t'es éclaté. Ah ouais, d'accord. Ah, il lui a envoyé des. Ah oui. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu captes l'attention directement. Ça veut dire bien que tu vas avoir des adultes devant toi, bien que tu vas avoir même peut-être des personnes cultivées, hein, mais c'est des gens à ce moment-là, tu vois, ils posent leur cerveau sur le téco. Il faut savoir que quand t'es dans la chicha, bah, le public, il peut autant parler à une personne pendant que tu passes que te parler à toi. Que prendre une commande et dire oh, « remets-moi un mojito, Aïchik ». Tu vois, tu peux passer par toutes les phases dans une chicha. Et ouais, j'ai déjà vu un humoriste se faire clasher, se manger un glaçon parce que bon, c'était pas ouf ce qu'il faisait. Des « tu sors ». Quand t'es humoriste et que tu te dis « je vais aller dans des théâtres pour que tout le monde m'applaudisse au même moment » et tu finis dans une chicha et tout le monde dit « tu sors au même moment », un gros coup derrière la nuque, tu vois. Ouais, et, c'est ça. Et ouais, j'ai déjà vu des trucs de ouf. Après, moi, ça m'est arrivé aussi de. Pas de bider, mais de perdre pied, pas de perdre pied, de perdre mon sang-froid. Et bizarrement, je vais te dire, frérot, les moments où j'ai perdu mon sang-froid et où j'ai été virulent avec le public dans une chicha, où j'ai commencé à les insulter, entre guillemets. C'est là que t'as cartonné. C'est là que ça a cartonné sa mère. D'accord, je vois. J'ai compris l'ambiance, en fait. Faut arriver avec de l'énergie, faut arriver avec du clash, faut arriver avec... tu vois ce que je veux dire ? Sans être méprisant, mais faut pas hésiter. S'il y a un mec au premier rang qui a la même dégaine que qu'Éric Zemmour, n'hésite pas à lui taper dessus, tu vois. Mais c'est un très, très bon exercice. Et moi, je cracherai jamais sur non, les chicas, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué là-bas. C'est très formateur. Ah oui, totalement. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont bien à propos des chichas. Premièrement, c'est la rémunération, parce que clairement, les chichas, comme c'est galère, ça rapporte pas mal de thunes, on va pas se mentir. Et deuxièmement, c'est le fait que si tu arrives à gérer en chicha, vraiment, tu géreras partout. Si tu arrives à gérer, tu vois, si tu arrives à vraiment captiver la foule d'une chicha, et pas par rapport au clash, hein, mais par rapport au texte, si vraiment ton texte arrive à les captiver, c'est qu'il est validé nickel, quoi. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Clairement, parce que c'est ils veulent je vais pas dire de l'entertainment directement, mais tu sais, on est dans une ère où les gens, ils veulent consommer, tu sais. Par exemple, je dis une connerie, tu es sur Facebook, Insta ou quoi que ce soit, tu regardes une vidéo, elle te fait rire, tu mets un like, tu passes à celle d'après, hop, tac, tu passes à celle d'après, tac, tu passes à celle d'après, tac, ça te fait rire, boum, tu changes, tu mets un like, tu mets un commentaire, boum, ça va très, très, très, très vite. Et à la différence d'un théâtre, d'un café-théâtre, où les gens vont se poser, vont entendre un petit peu de jazz juste avant, une petite musique d'ambiance, on va leur faire comprendre que le spectacle commence, puis ils vont ranger leur téléphone, puis il y a une annonce, veuillez s'il vous plaît éteindre vos téléphones, ne filmez pas pendant le spectacle, et puis le gars il arrive, et puis c'est feutré, puis l'ambiance s'y prête, et puis tu sais que tu es dans un lieu fait pour ça. Et une chicha, là où c'est différent, c'est qu'il n'y a pas d'annonce, frère. Moi, à chaque fois que j'ai joué dans des chichas, les animateurs de chicha, ils arrivent... t'as le son d'ambiance qui est en train d'être passé, boum, d'un coup, le DJ il balance un son brutal en mode ambiance, il monte sur scène, allez, on y va, allez, tout le monde, allez, allez. Tu sais, c'est de l'énergie, en fait. Il n'y a pas d'annonce, mesdames et messieurs, veuillez ne pas filmer pendant le passage des humoristes, veuillez nanana, veuillez mettre votre téléphone sous silencieux. Il n'y a pas ça, frère. Tu joues, le bigot, il sonne, à toi d'improviser dessus. Le gars, il gonfle un ballon, il gonfle un ballon avant de le mettre dans sa bouche, improvise dessus ou calcule pas, à toi de voir, mais tu dois être là. Tu dois être là et c'est très, très... Moi, j'aime bien. Je ne vais pas te dire ça me manque, mais tu vois, c'est un délire qui... Faut aller se former un peu dans ces trucs-là, c'est pas mal. D'accord. Mais j'avoue que les chichas avec une petite annonce, s'il vous plaît, ne jetez pas de glaçons sur le mec qui joue, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, ça pourrait être sympa. Mais moi, j'ai vu des trucs pareils. L'humoriste, il fait son sketch, il y a un gars, il l'interrompt. L'humoriste, il pense bien faire ou il fait l'erreur de lui dire « mais t'as un truc à dire, viens, descends ». Le gars, il descend, il prend le micro, il l'allume. Et c'est le gars qui ressort victorieux, il l'a éclaté. Ils ont fait un mini clash, le gars, il l'a éclaté. L'humoriste, il est descendu tête baissée. Et voilà, tu vois, donc, faut assumer. Ouais, c'est dur. Mais t'as raison, c'est vrai que c'est très formateur. Et puis bon, bah, les chichas, de toute façon, moi, je les taille très souvent. Tu vois, je fais des mèmes sur le stand-up que je balance sur Insta et tout. Et souvent, dès qu'il y a des trucs très, très durs et tout, ça parle de chicha. Parce que je sais que j'ai commencé par là et j'en ai fait quelques-unes et j'ai vu la difficulté. Mais bien évidemment, jamais de la vie, je te dirais, je ne ferai plus jamais de chicha. Il faut que j'y retourne. Non, et puis c'est de bonne guerre dans le sens où t'inquiète pas que le public qui est là-bas, il sait aussi que c'est dur. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont en mode, allez, vas-y, montre-nous. Tu vois, donc en fait, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'eux, ils le savent. Toi, tu le sais en allant là-bas, ce qui peut se passer, etc. Et eux, ils le savent et ils se disent, voilà, on le teste, le gars, tu vois. Et limite, c'est bien que le public, les gens qui sont en chicha, ils se disent on va tester le gars, on va voir ce dont il est capable. Et tes premières vannes, il faut qu'elles fassent mouche. Je te garantis que tu balances une vanne, deux vannes, trois vannes, t'entends les mouches voler. La quatrième, tu vas entendre quelqu'un qui va dire oh, tu sors, ou oh, éclaté, sors. Des fois, moi, je te dis, ça me rappelle une anecdote où il y a un humoriste, on est en chicha et. Bien entendu, on ne donne pas de blase de chicha, on ne donne pas de blase d'humoriste. Mais il y a un humoriste qui est en chicha, je suis là, je dois jouer après lui. Et il fait ses premières vannes, ça ne marche pas du tout. C'est le DJ qui est présent dans la soirée, qui passe les sons, qui envoie un extrait du morceau de VG Dream. Il prend juste le passage de Toi d'ici. Et il finit sa vanne et t'entends Allez, casse-toi d'ici. Oui. C'est chaud quand même. Bah, après, quand le DJ te clash comme ça, malheureusement, c'est facile. Tu vois, ça me rappelle une anecdote que m'avait raconté Elias Wedgiri. Il a eu la même chose. Et franchement, voilà, je trouve que c'est pas cool. Mais en même temps, c'est de bonne guerre. Même lui, il m'avait dit, tu vois, je lui avais dit que le DJ avait pas été cool. Et il m'a dit, non, t'inquiète pas. Il me dit, je suis parti, on s'est checké et tout. C'était de bonne guerre, quoi. Voilà. Mais je trouve que c'est pas facile parce que quand t'es DJ, tu vois, genre t'es dans ta cabine et tout, machin, tu vois que le mec, il galère. Toi, tu galérerais peut-être pire. Peut-être t'aurais même pas été jusqu'à l'endroit où il a été, ce mec-là, tu vois, ou cette meuf-là. Donc, c'est pour ça. Tu balances le son, c'est trop facile, tu vois. C'est comme quand quelqu'un te regarde, je sais pas moi, quelqu'un te regarde nettoyer un truc et il va regarder pile l'endroit où t'as pas nettoyé, il va attendre la fin, tu vois, c'est ce que disait Jean-Marie Bigard dans un sketch, il disait t'as remarqué, il y a toujours quelqu'un qui regarde où t'as passé le balai et il regarde toujours le triangle où t'es pas passé et il dit, tu vois, t'es pas passé là, il dit bah ouais, mais t'avais qu'à le faire aussi, tu vois ce que je veux dire, donc c'est ça en fait, c'est genre c'est facile de critiquer, mais voilà, après, mais bon, c'est le jeu en même temps. Si tu vas en chicha, si tu vas dans un endroit où tu vois que le DJ il balance des vannes et tout comme ça. Voilà, bon, bah, j'avoue, après, j'ouvre ma gueule, mais si j'avais été DJ et que j'avais un bouton avec le morceau qui dit « casse-toi », je pense que j'aurais été tenté plein de fois de l'envoyer, je pense. On va pas se mentir. En tout cas, bah, merci beaucoup, Roya, pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions sur l'humour. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Bah écoute, principalement sur Instagram, Nassim Mella. Voilà, Nassim Mella. Nassim, ça s'écrit comme Maxime, mais en bougnoul. Donc N-A-2-S-I-M. Et deux tirés du bas, Mella, M-E-2-L-A-H. Voilà. Facebook, pareil, Nassim Mella. Et puis sur les scènes parisiennes, ça a repris. Donc, ouais. Donc on va tâcher de remettre le pied à l'étrier, de retester des trucs qu'on a un peu écrits et tout. Et puis ça fait vachement plaisir, tu vois. Voilà. C'est sûr. Sur Paris, pour ceux qui sont sur Paris en tout cas. D'accord, tu as une chaîne YouTube aussi, Twitter peut-être ? Ouais, pareil, Nassim Mella sur YouTube. Twitter, non, je ne suis pas trop Twitter. D'accord, trop... Okay. Eh bien, pas de souci, écoute, je mettrai un lien vers Facebook, Instagram et YouTube, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Alors, merci à toi, Roya, et puis ben, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.